marche ce truc? J'ai compris! Essaie de faire un passage pour Ruben. C'est parti! Wouf! Tu peux y aller! Wouf! Bien joué, Chase! Ruben, tu peux te glisser dehors? Ah! Merci, Ryder! Bon, et maintenant, où est mon engin? Il est là! Ça ira, Zuma. Salut, Ruben. Tu veux reprendre les choses en main? Ruben met toujours la gomme. Allez, Ruben, tu sais ce que t'as à faire. Thank you.